Chapitre 1, sous-chapitre 18 à 20, de Histoire curieuse et pittoresque, par Mathias de Giraldo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Mosia. Sous-chapitre 18, apparition au château d'Ardivilliers, en Picardie. Dans le château d'Ardivilliers, près de Breteuil, en Picardie, apparaissait du temps de la jeunesse de Louis XV un esprit qui faisait un bruit effroyable. C'était toute la nuit des flammes qui faisaient paraître le château en feu. C'étaient des hurlements épouvantables, mais cela n'arrivait qu'en certains temps de l'année, vers la Toussaint. Personne n'osait y demeurer que le fermier avec qui l'esprit était apprivoisé. Si quelque malheureux passant y couchait une nuit, il était si bien étrillé qu'il en portait des marques pendant plus de 6 mois. Les paysans d'alentour voyaient 1000 fantômes qui ajoutaient à l'effroi. Tantôt quelqu'un avait aperçu en l'air une douzaine d'esprits au-dessus du château. Ils étaient tous de feu et dansaient un branle à la paysanne. Un autre avait trouvé dans une prairie je ne sais combien de présidents et de conseillers en robe rouge, assis et jugeant à mort un gentilhomme du pays qui avait eu la tête tranchée il y avait bien 100 ans. Un autre avait rencontré la nuit un parent du maître du château qui se promenait avec la femme d'un seigneur des environs. On nommait la dame, on ajoutait même qu'elle s'était laissée caresser et qu'ensuite, elle et son mystérieux amant avaient disparu. Plusieurs autres avaient vu ou tout au moins ouï dire des merveilles du château d'Ardivilliers. Les apparitions se renouvelèrent pendant 5 ans. Il résolut enfin de faire cesser la lutinerie, persuadé par beaucoup de circonstances qu'il y avait de l'artifice en tout cela. Il se rend à sa terre vers la Toussaint, couche dans son château et fait demeurer dans sa chambre 2 gentilshommes de ses amis, bien résolus au premier bruit ou à la première apparition, de tirer sur les esprits avec de bons pistolets. Les esprits qui savent tout surent apparemment ses préparatifs. Pas un ne parut. Ils se contentèrent de traîner des chaînes dans une chambre du haut, au bruit desquelles la femme et les enfants du fermier vinrent au secours de leur seigneur en se jetant à ses genoux pour l'empêcher de monter dans cette chambre. « Ah, mon seigneur » criait-il, « qu'est-ce que la force humaine contre des gens de l'autre monde? Tous ceux qui ont tenté, avant vous, la même entreprise en sont revenus disloqués. » Ils firent tant d'histoires au maître du château que ses amis ne voulurent pas qu'il s'exposât. Mais ils montèrent tous deux à cette grande et vaste chambre où se faisait le bruit, le pistolet dans une main, la chandelle dans l'autre. Ils virent d'abord une épaisse fumée que quelques flammes redoublaient par intervalles. Un instant après, elle s'éclaircit et l'esprit parut confusément au milieu. C'était un grand diable tout noir qui faisait des gambades et qu'un autre mélange de flammes et de fumée déroba une seconde fois à la vue. Il avait des cornes, une longue queue. Son aspect épouvantable diminua un peu l'audace de l'un des 2 champions. « Il y a là quelque chose de surnaturel, » dit-il à son compagnon. « Retirons-nous. »« Non, non, » répondit l'autre, « ce n'est que de la fumée de poudre à canon. Et l'esprit ne sait son métier qu'à demi, de n'avoir pas encore soufflé nos chandelles. » Il avance à ces mots, poursuit le spectre, lui lâche un coup de pistolet, ne le manque pas, mais au lieu de tomber, le spectre se retourne et le fixe. Il commence alors à s'effrayer à son tour. Il se rassure toutefois, persuadé que ce ne peut être un esprit, et voyant que le spectre évite de l'approcher, il se résout de le saisir pour voir s'il sera palpable ou s'il fondra entre ses mains. L'esprit trop pressé sort de la chambre et s'enfuit par un petit escalier. Le gentilhomme descend après lui, ne le perd point de vue, traverse cours et jardins et fait autant de tours qu'en fait le spectre, tant qu'enfin le fantôme étant parvenu à une grange qu'il trouve ouverte, se jette dedans et fond contre un mur au moment où le gentilhomme pensait l'arrêter. Celui-ci appelle du monde et dans l'endroit où le spectre s'était évanoui, il découvre une trappe qui se fermait d'un verrou après qu'on y était passé. Il descend, trouve le fantôme sur de bons matelas qui l'empêchaient de se blesser quand il s'y jetait la tête la première. Ils l'ont fait sortir et l'on reconnaît sous le masque du diable le malin fermier qui avoua toutes ses souplesses et en fut quitte pour payer à son maître les redevances de 5 années sur le pied de ce que la terre était affermée avant les apparitions. Le caractère qui le rendait à l'épreuve du pistolet était une peau de buffle ajustée à tout son corps. Un capitaine anglais, ruiné par des folies de jeunesse, n'avait plus d'autre asile que la maison d'un ancien ami. Celui-ci, obligé d'aller passer quelques mois à la campagne et ne pouvant y conduire le capitaine parce qu'il était malade, le confia aux soins d'une vieille domestique qu'il chargeait de la garde de sa maison quand il s'absentait. La bonne femme vint un matin voir de très bonne heure son malade parce qu'elle avait rêvé qu'il était mort dans la nuit. Rassurée en le trouvant dans le même état que la veille, elle le quitta pour aller soigner ses affaires et oublia de fermer la porte après elle. Les ramoneurs à Londres ont coutume de se glisser dans les maisons qui ne sont point habitées pour s'emparer de la suie dont ils font un petit commerce. Deux d'entre eux avaient su l'absence du maître de la maison et ils épiaient le moment de s'introduire chez lui. Ils virent sortir la veille, entrèrent dès qu'elle fut éloignée, trouvèrent la chambre du capitaine ouverte et, sans prendre garde à lui, grimpèrent tous les deux dans la cheminée. Le capitaine était en ce moment assis sur son séant. Le jour était sombre, la vue de deux créatures aussi noires lui causa une frayeur inexprimable. Il retomba dans ses draps, n'osant faire aucun mouvement. Le docteur arriva un instant après. Il entra avec sa gravité ordinaire et appela le capitaine en s'approchant du lit. Le malade reconnut la voix, souleva ses couvertures et regarda d'un œil égaré, sans avoir la force de parler. Le docteur lui prit la main et lui demanda comment il se trouvait. « Mal, répondit-il, je suis perdu. Les diables se préparent à m'emporter. Ils sont dans ma cheminée. » Le docteur, qui était un esprit fort, secoua la tête, tâta le pouls et dit gravement, « Vos idées sont coagulées. Vous avez un lycidium capu, capitaine. Cessez vos galimatias, docteur, il n'est plus temps de plaisanter. Il y a deux diables ici. Vos idées sont incohérentes, je vais vous le démontrer. Le diable est un conte, vous en verrez tout le roman dans le paradis perdu. » « Votre effroi est donc... » Dans ce moment, les ramoneurs ayant rempli leur sac, le laissèrent tomber au bas de la cheminée et le suivirent bientôt. Leur apparition rendit le docteur muet. Le capitaine se renfonça dans sa couverture et, se coulant au pied de son lit, se glissa dessous, sans bruit, priant les diables de se contenter d'emporter son ami. Le docteur, immobile d'effroi, cherchait à se ressouvenir des prières qu'il avait apprises dans sa jeunesse. Se tournant vers son ami pour lui demander son aide, il fut épouvanté de ne plus le voir dans son lit. Il aperçut dans ce moment un des ramoneurs qui se chargeait du sac de suie. Il ne douta pas que le capitaine ne fût dans ce sac. Tremblant de remplir l'autre, il ne fit qu'un saut jusqu'à la porte de la chambre et de là au bas de l'escalier. Arrivé dans la rue, il se mit à crier de toutes ses forces « Au secours, le diable emporte mon ami !» La populace accourt à ses cris. Il montre du doigt la maison. On se précipite en foule vers la porte, mais personne ne veut entrer le premier. Le docteur, un peu rassuré par le nombre, excite à un exemple tout le monde en particulier, exemple qu'il ne donnerait pas pour tout l'or des Indes. Les ramoneurs, en entendant le bruit qu'on faisait dans la rue, posent leur sac dans l'escalier et, de crainte d'être surpris, remontent quelques étages. Le capitaine, mal à son aise sous son lit, ne voyant plus les diables, se hâte de sortir de la maison. Sa peur et sa précipitation ne lui permettent pas de voir le sac. Il le heurte, tombe dessus, se couvre de suie, se relève et descend avec rapidité. L'effroi de la populace augmente à sa vue. Elle recule et lui ouvre un passage. Le docteur reconnaît son ami et se cache dans la foule pour l'éviter. Enfin, un ministre qu'on était allé chercher pour conjurer l'esprit malin parcourt la maison, trouve les ramoneurs, les force à descendre et monte les prétendus diables au peuple assemblé. Le docteur et le capitaine se rendirent enfin à l'évidence, mais le docteur, honteux d'avoir, par sa sotte frayeur, démenti le caractère d'intrépidité qu'il avait toujours affecté, voulait rosser ces coquins, qui, disait-il, avaient fait une si grande peur à son ami, et il souhaitait que, pour sa part, il ne croyait pas plus au diable qu'auparavant. Un théologien raconte l'histoire d'un malade qui vit longtemps dans sa chambre un spectre habillé en ermite avec une longue barbe, deux cornes sur la tête et une figure horrible. Cette vision qui épouvantait le malade sans qu'on pût le rassurer n'était, dit le professeur, que l'effet du cerveau dérangé. Il croit après cela que les morts peuvent revenir à cause de l'apparition de Samuel et il dit que les âmes du purgatoire ont une figure intéressante et se contentent en se montrant de gémir et de prier, tandis que les mauvais esprits laissent toujours entrevoir quelques supercheries et malices. Voici le dernier exemple que nous rapportons sur les apparitions qui sont d'une espèce différente que celle que l'on connaît sur le retour des âmes. Nous avons déjà touché un mot sur le retour des morts ou sur leur apparition, mais la matière demande de plus grands développements qui paraîtront dans les pages qui vont suivre. Sous-chapitre 19. Grande et merveilleuse chose advenue dans la ville de Besançon par un tremblement de terre. Le troisième jour de décembre, environ 9 heures du matin, faisant un temps doux et un beau soleil, l'on vit en l'air une figure d'un homme de la hauteur d'environ 9 lances, qui dit 3 fois « Peuple, peuple, peuple, amendez-vous, vous êtes à la fin de vos jours. » Et ce advint un jour de marché, devant plus de 10 000 personnes, et après ces paroles, la dite figure s'en alla en une nue, comme se retirant droit au ciel. Une heure après, le temps s'obscurcit tellement qu'à 20 lieues autour de la ville, on ne voyait plus ni ciel ni terre. Il y eut beaucoup de personnes qui moururent, le pauvre monde se mit à prier Dieu et à faire des processions. Enfin, au bout de 3 jours, vint un beau temps comme auparavant, et un vent le plus cruel que l'on ne saurait voir, qui dura environ 1 heure et demie. Et une telle abondance d'eau qu'il semblait qu'on la jetait à pipe, avec un merveilleux tremblement de terre, tellement que la ville fondit, comprenant 14 lieues de long et 6 de large, et n'est demeuré qu'un château, un clocher et 3 maisons tout au milieu. On les voit en un rondeau de terre assises comme par devant, on voit quelques portions des murs de la ville, et dans le clocher et le château, du côté d'un village appelé des Guettes, on voit comme des enseignes et étendards qui pavolent, et n'y saurait-on aller. Pareillement, on ne sait ce que cela signifie. Il n'y a homme qui regarde cela à qui les cheveux se dressent sur la tête, car c'est une chose merveilleuse et épouvantable. Sous-chapitre 20. Opinion des peuples sur le retour des âmes. Dès que les peuples ont conçu l'évocation des morts, ils ont cru au retour des âmes. Ce sont là 2 sentiments inséparables. Les saintes Écritures supposent ce retour en plus d'un endroit. Par exemple, lorsque Saül fait évoquer l'âme de Samuel par la pythonisse. Que l'évocation ait été réelle ou non, que l'âme de Samuel ou son ombre ou même rien n'est apparu à la pythonisse, il est toujours vrai que Saül et ses gens, avec le commun des Hébreux, croyaient la chose possible. Du temps de Moïse, on croyait déjà chez les Hébreux au retour des âmes, puisque ce législateur, dans le chapitre 18 du Deutéronome, défend de demander aux morts la connaissance de la vérité. Lors de la promulgation de l'Évangile, ce sentiment était le même chez les Juifs. Il est dit, dans Saint Luc, chapitre 16, que le mauvais riche pria Abraham d'envoyer quelqu'un des morts pour annoncer aux vivants de se garder de tomber, comme lui, dans les flammes de l'enfer. L'évangéliste suppose évidemment que les morts peuvent revenir et parler aux vivants. Saint Thomas ne doutait point que le Christ ne pût paraître avec un corps subtil et aérien à ses apôtres, mais il doutait qu'il fût réellement ressuscité en chair et en os. Après la résurrection du Sauveur, les apôtres le prirent d'abord pour un esprit qui leur apparaissait. L'Évangile énonce formellement que plusieurs saints personnages décédés depuis longtemps ressuscitèrent et apparurent à plusieurs. Moïse et Élie s'entretenaient avec le Christ pendant la transfiguration de l'homme-Dieu. Impossible de nier le sentiment du retour des âmes chez les Juifs. Il était tellement répandu ce sentiment parmi cette nation que ni Jésus-Christ ni les apôtres, ni après eux les pères de l'Église, ne se sont pas appliqués à le détruire ni à le réfuter. Leur conduite semble même lui donner une sanction. Mais les morts qui apparaissaient autrefois aux vivants n'ont ni chair ni os. Saint Matthieu dit « Les esprits n'ont ni chair ni os. Spiritus carmen et ossa non heben. » Ce sont donc plutôt des fantômes et des corps aériens sans solidité que de vrais corps massifs et terrestres. Peut-être même ne sera-ce qu'une figure corporelle qui frappe vivement l'imagination. Il y a une grande différence entre les apparitions miraculeuses et le retour des âmes. Dans les apparitions de l'ordre divin, ce sont des personnages sacrés, des ministres de l'être suprême, qui font entendre aux hommes les oracles éternels. Dieu donne mission par une vision, par une voix intérieure, à des êtres privilégiés de faire connaître ses volontés au monde. Ils les lui transmettent en un langage qui surpasse autant le nôtre que l'esprit surpasse la matière. Qui jamais, roi, prince, ministre de la terre, put se servir d'expressions aussi sublimes que celles des prophètes, que celle d'Isaïe qui manifesta la voie de l'avenir, que celle de Daniel qui dévoila les mystères des empires? Nos paroles sont une glace près des révélations de feu des hommes inspirés. Ceux-ci semblent porter un signe qui les distingue du reste des écrivains. Dans le retour des âmes, tout ce qui se passe entre celui qui n'a plus de corps, qui est ce que nous appelons fantôme, et l'habitant de la terre qu'il frappe de son ombre, ne révèle rien qui ne touche des intérêts privés. Ce n'est plus la voix prophétique, c'est un avertissement que cette ombre, d'une nature humaine, vint donner d'un fait passé hors la présence de son interlocuteur, ou du visionnaire, d'une mort, d'un événement tragique. Cette ombre vient verser souvent l'effroi dans les âmes inquiètes et torturées par le remords, où elle demande une intercession pour elle-même. Nous avons entendu de la bouche de M. Mafioli, curé de Plombières, que le jour où un de ses frères, magistrat à Nancy, était monté sur l'échafaud révolutionnaire, il avait reçu par une voix qui se fit entendre distinctement dans sa chambre, avis de cette mort de martyr. Il nous raconta qu'au même instant, il en écrivit à deux de ses autres frères, qui lui répondirent avoir eu eux-mêmes un avertissement de cette fin malheureuse, à la même heure et de la même manière, avoir subi les mêmes impressions d'effroi que celles dont il avait été pénétré. Une secousse se fit sentir dans sa demeure. Il ajouta que depuis lors, il n'avait pu se défendre de cette terrible émotion, que dans sa vieillesse avancée, souvent, dans le calme des nuits, le souvenir, comme un peintre funèbre, lui retraçait le tableau de son frère conduit par le bourreau sous le couteau fatal, l'effusion du sang fraternel, l'ignominie du supplice réservé à la vertu persécutée. L'accent de la persuasion était dans son récit. Saint Augustin raconte que pendant son séjour à Milan, un jeune homme étant poursuivi en justice par un autre, qui lui répétait une dette déjà acquittée par son père, mais dont la quittance ne se trouvait point, l'âme du père apparut à son fils et lui enseigna où était la quittance qui lui donnait tant d'inquiétude. Saint Macaire, l'Égyptien, rappela à la vie un mort pour rendre témoignage à l'innocence d'un autre homme accusé de l'avoir tué. Le mort disculpa l'accusé, mais il ne voulut pas nommer le meurtrier. Le même Saint Macaire, ne pouvant autrement réfuter un hérétique que par une évocation, lui dit « Allons au tombeau d'un mort et demandons-lui qu'il nous instruise de la vérité dont vous ne voulez pas convenir. » L'hérétique n'osa pas s'y présenter, mais Saint Macaire s'y rendit, accompagné d'une multitude de personnes accourues à un spectacle si nouveau. Le saint interrogea le mort, qui lui répondit que si l'hérétique avait paru dans l'assemblée, il se serait levé pour le convaincre et pour rendre témoignage à la vérité. Après quoi Saint Macaire lui ordonna de s'endormir jusqu'au temps où le Christ, à la fin du monde, le ressusciterait en son rang. Saint Macaire encore interrogea un crâne qu'il trouva dans le désert et qui était d'un païen, prêtre égyptien. Celui-ci lui dit que les âmes des méchants et des infidèles même recevaient quelque soulagement lorsque les gens de bien comme Macaire étaient touchés des tourments qu'ils souffraient dans l'enfer, mais que ce soulagement ne consistait qu'en ce qu'ils pouvaient se voir l'un l'autre, au lieu que hors cela, ils demeuraient toujours dans des ténèbres affreuses, sans se voir et sans discerner aucun objet. Les pères grecs et latins professaient le sentiment sur le retour des âmes. On le voit clairement dans Tertullien, dans Origène et dans Saint Irénée. Dans son livre de l'âme, Tertullien en appelle à l'expérience de ceux à qui des âmes de personnes mortes sont apparues et qui les ont vues d'une manière sensible, quoique d'une couleur et d'une consistance aérienne. Origène, dans le second livre contre Cels, rapporte et approuve le sentiment de Platon, qui dit qu'on voit autour des sépulcres les ombres et les images des morts qui ne sont autre chose que l'âme dégagée de son corps grossier, mais non encore débarrassée de la matière qui l'environne. Ces âmes deviennent enfin lumineuses, transparentes, subtiles, ou plutôt elles sont portées dans des corps lumineux et transparents, comme dans un char où elles apparaissent aux vivants. Saint Irénée enseigne, comme une doctrine reçue du Seigneur, que les âmes non seulement subsistent après la mort du corps, sans toutefois passer d'un corps dans un autre, mais qu'elles en gardent la figure, qu'elles conservent ce corps comme de fidèles gardiennes, qu'elles se souviennent de ce qu'elles ont fait et n'ont pas fait en cette vie. Il le prouve par ce qui est rapporté dans l'Évangile relativement à Lazare et aux mauvais riches. Les évocations des âmes des morts étaient fréquentes chez les païens. Ce fait implique suffisamment l'opinion qu'ils avaient nécessairement du retour des âmes. Pline raconte qu'Appion évoqua l'âme d'Homère pour savoir de lui quelle était sa patrie et ses parents. Mais Appion n'avait osé publier ce qu'il en avait appris. Philostrate dit qu'Apollonius de Tyane, étant venu au tombeau d'Achille, évoqua ses mânes et les pria de lui faire apparaître la figure du héros. Après un tremblement de terre, il vit paraître d'abord un jeune homme de 5 coudées, c'est-à-dire de 7 pieds et demi de haut. Ensuite, le fantôme parut grand de 12 coudées et d'une beauté singulière. Apollonius lui fit quelques questions assez frivoles, et voyant que le jeune homme badinait d'une manière indécente, il comprit qu'il était possédé d'un démon qu'il chassa de son corps. Lactance, réfutant les philosophes Démocrite, Épicure et Dicéarque, qui niaient l'immortalité de l'âme, dit qu'il n'oserait soutenir leurs sentiments devant celui qui, par le secret de son art et de ses charmes, a le pouvoir de faire sortir les âmes de l'enfer, de les faire paraître, parler, prédire l'avenir, et donner des marques certaines de leur présence. Après la mort funeste de Caligula, qui fut massacré dans son propre palais, on l'enterra, à la hâte et à demi brûlé, dans ses jardins. Les princesses, ses sœurs, à leur retour de l'exil, le firent brûler en entier et en cérémonie, puis elles l'inhumèrent avec honneur. Mais il passait pour constant qu'avant cela, ceux qui avaient la garde du jardin et du palais avaient toutes les nuits été inquiétés par des fantômes et par des bruits épouvantables. Jules César, étant prêt d'entrer en Italie et de passer le Rubicon, aperçut un homme d'une taille au-dessus de l'ordinaire qui commença à siffler. Plusieurs soldats étant accourus pour l'entendre, ce spectre saisit la trompette de l'un d'entre eux, commence à sonner l'alarme et à passer le fleuve. Alors César, sans délibérer davantage, dit « Allons où les présages des dieux et l'injustice de nos ennemis nous appellent. » L'empereur Trajan fut tiré par un fantôme de la ville d'Antioche et sortit par une fenêtre au milieu de ce terrible tremblement de terre qui renversa presque toute la ville. Le philosophe Simonide eut un semblable avis touchant sa maison qui devait tomber. Il en sortit à la bonne heure et peu après, elle tomba. On raconte qu'un homme qui n'entendait pas un mot de grec vint voir Somèse père, conseiller au parlement de Dijon, et lui montra ces mots qu'il avait ouïs la nuit en dormant, et qu'il avait écrit en caractère français dès qu'il avait été éveillé. « Apiti, uc, osphrene tensen, apsichio. » Il demanda à Somèse ce que cela voulait dire. Il lui répondit « Va-t'en, ne sens-tu pas ta mort ?» Cet homme quitta la maison où il demeurait, et elle se renversa la nuit suivante. Joseph, l'historien du siège de Jérusalem, raconte que quelque temps avant la ruine du temple de Jérusalem, on entendit pendant la nuit des voix qui criaient « Sortons d'ici !» L'empereur Julien l'Apostat racontait à ses amis que dans le temps que ses troupes le pressaient d'accepter l'Empire, pendant son séjour à Paris, il vit dans le milieu de la nuit un spectre sous la forme du génie de l'Empire qui se présenta comme pour demeurer avec lui, mais il l'avertit que ce ne serait que pour peu de temps. Le même empereur disait qu'un jour, écrivant la nuit dans sa tente, peu de jours avant sa mort, son esprit familier lui apparut sortant de cette tente, toute triste et tout morne. Un peu avant la mort de l'empereur Constance, Julien eut encore la nuit une vision d'un fantôme lumineux qui lui répéta plusieurs fois 4 vers grecs, portant que, lorsque Jupiter serait en Aquarius et Saturne aux 25 degrés de la Vierge, l'empereur Constance finirait en Asie d'une triste mort. On assure que la nuit qui suivit la mort de Julien l'Apostat, Saint Basile eut une révélation où il crut voir le saint martyr Mercure, qui reçut l'ordre de Dieu d'aller tuer Julien, et que peu de temps après, le même saint Mercure, étant revenu, s'écria « Seigneur, Julien est percé à mort, comme vous me l'avez demandé. » Dès le matin, saint Basile annonça à son peuple cette nouvelle, qui fut bientôt confirmée. Didyme, le fameux aveugle d'Alexandrie, vit aussi la même nuit, en extase, des cheveux qui couraient en l'air et qui criaient « Qu'on dise à Didyme que Julien, aujourd'hui, à la 6e heure, a été tué, et qu'il le fasse savoir à l'évêque Athanase. » Quelques moments avant la mort de saint Ambroise, Honorat, évêque de Verceil, qui couchait en un appartement haut de la maison, ouit une voix qui lui cria 3 fois « Levez-vous, hâtez-vous, il va passer. » Honorat descendit, lui donna le corps du Seigneur, et aussitôt que saint Ambroise l'eut avalé, il expira. Après sa mort, on porta son corps à l'église. C'était la nuit de Pâques où l'on baptisait les néophytes. Plusieurs enfants nouvellement baptisés le virent et le montrèrent de la maison à leurs parents, qui ne le purent voir parce qu'ils n'avaient pas les yeux épurés, dit Paulin, disciple du saint, et auteur de sa vie. Paulin ajoute que le jour de sa mort, le même Saint-Évêque apparut en Orient à plusieurs saints personnages, priant avec eux et leur imposant les mains. Ils en écrivirent à Milan et l'on trouva en confrontant les dates que c'était le jour même de sa mort. On conservait encore ces lettres du temps de Paulin. On a vu aussi ce Saint-Évêque plusieurs fois après sa mort prier dans l'église ambroisienne de Florence, qu'il avait promis pendant sa vie de visiter souvent. Pendant le siège de la même ville par Radagaise, Saint-Ambroise apparut à un homme de la cité et lui promit que le lendemain, ils auraient du secours, ce qui arriva. Le même saint apparut à Macézel qui conduisait l'armée romaine contre Gildon, et frappant trois fois la terre de son bâton, il dit « Ici, ici, ici ». Il lui marquait par là qu'au même endroit, dans trois jours, il remporterait la victoire. C'est ce qui fut suivi de l'effet. Paulin tenait ceci de la bouche de Macézel même. Un aveugle ayant appris en vision que les corps des martyrs Sicinius et Alexandre arrivaient par mer à Milan et qu'Ambroise venait au-devant d'eux, pria en songe le même évêque de lui rendre la vue. Ambroise lui dit « Allez à Milan, venez au-devant de mes frères, ils vous rendront la vue. » L'aveugle alla à Milan où il n'avait jamais été, toucha la chasse des reliques des saints martyrs et recouvra la vue. C'est ainsi que lui-même le raconta à Paulin. Saint Augustin reconnaît que les morts ont souvent apparu aux vivants, leur ont révélé le lieu où leur corps était sans sépulture et leur ont montré celui où ils voulaient être inhumés. Il dit de plus qu'on entend souvent du bruit dans les églises où des morts sont inhumés et que des morts ont été vus souvent entrer dans les maisons où ils demeuraient avant leur décès. Il dit encore que les vivants peuvent annoncer à d'autres personnes vivantes, mais absentes, des choses dont celui qui les annonce n'a aucune connaissance et dont il ne se met nullement en peine. Si cela est, comme on n'en peut pas douter, ajoute-t-il, peut-on révoquer en doute que les morts ne puissent apparaître aux vivants sans les voir et leur annoncer des choses dont l'événement futur découvre la vérité? Il en conclut que cela arrive ou par le commandement ou par la permission de Dieu. Il est remarquable que quand un homme vivant apparaît à un autre homme aussi vivant, on ne dit pas que son âme ou son corps lui est apparu, mais qu'une telle personne lui a apparu, comme si les morts ne pouvaient pas de même apparaître sans corps, sans âme, mais simplement en leur figure, ou leur représentation à l'esprit ou à l'imagination des personnes vivantes. Roger, comte de Calabre et de Sicile, assiégeait la ville de Capoue. Un nommé Sergius, grec de naissance, à qui il avait donné le commandement de 200 hommes, s'étant laissé gagner par argent, forma le dessein de le trahir et de livrer l'armée de Robert au prince de Capoue, pendant la nuit. C'était le premier jour de mars qu'il devait exécuter sa trahison. Saint Bruno, qui vivait alors dans son désert de Squilame, apparut au comte et lui dit de courir aux armes, s'il ne voulait être opprimé par ses ennemis. Le comte s'éveille en sursaut et ordonne à ses gens de monter à cheval et de voir ce qui se passe dans le camp. Ils rencontrèrent les gens de Sergius avec le prince de Capoue. Ceux-ci se retirèrent dans la ville dès qu'ils les aperçurent. Mais les gens du comte Roger en prirent 170, de qui ils apprirent toute la trahison. Roger étant allé le 29 juillet suivant à Squilame, et ayant raconté à Bruno ce qui lui était arrivé, le saint lui dit « Ce n'est pas moi qui vous ai averti, c'est l'ange de Dieu qui est auprès des princes, en temps de guerre. » C'est ce que raconte le comte Roger lui-même dans un privilège accordé à saint Bruno. Peu de temps avant la mort déplorable de Louis, roi de Hongrie, arrivé en 1526, comme ce prince dînait enfermé dans la citadelle de Bade, on vit paraître à la porte un homme mal bâti, boiteux, mal vêtu, qui demandait avec grande instance à parler au roi. Il assurait qu'il avait des choses fort graves à lui communiquer. On le méprisa d'abord, et l'on ne daigna pas l'annoncer au roi. Il cria beaucoup plus haut et avec pleurs, demandant toujours à parler au roi, et protesta qu'il ne pouvait découvrir qu'à lui seul ce dont il était chargé. À la fin, lassé de son importunité, on alla dire à Louis ce qui se passait. Le prince envoya le plus apparent des seigneurs qui étaient auprès de lui, et il feignit d'être le roi. Il demanda à cet homme ce qu'il avait à lui dire. Il répondit, « Je sais que vous n'êtes pas le roi, mais puisqu'il méprise de m'entendre, dites-lui qu'il mourra certainement et bientôt. » Ayant dit cela, il s'en alla et disparut. C'est ce que l'une Clavius tenait du baron d'Herbestin, qui avait ouï raconter ce fait par une dame qui était à la cour du roi Louis lorsque la chose arriva. La reine Marguerite, dans ses mémoires, prétend que Dieu protège d'une manière particulière les grands et leur fait connaître en songe ou autrement ce qui doit leur arriver. Elle cite à l'appui de son sentiment ce qui arriva à Catherine de Médicis, sa mère, qui, la nuit du jour d'une course funeste, songea voir le roi Henri II blessé à l'œil comme il arriva. À son réveil, elle avait prié Henri de ne point courir ce jour-là. La reine Marguerite cite encore ce fait. Catherine de Médicis étant dangereusement malade à Metz et ayant autour de son lit Charles IX, ses parents et force dames et princesses s'écria, comme si elle avait vu donner la bataille de Jarnac, « Voyez comme il fuit, mon fils à la victoire. Voyez dans cette haie le prince de Condé-Mort. » Tous ceux qui étaient là croyaient qu'elle rêvait. Mais la deuxième nuit suivante, Délos lui en apporta des nouvelles. « Je le savais bien, dit-elle. Ne l'avais-je pas vu avant-hier ?» La duchesse Philippe de Gueldre, épouse du duc de Lorraine, René II, étant religieuse à Sainte-Claire, à Pont-à-Mousson, vit pendant son oraison la malheureuse bataille de Pavie. Elle s'écria tout d'un coup, « Ah, mes sœurs, mes chères sœurs, en prière pour l'amour de Dieu. Mon fils de Lambesc est mort et le roi François Ier, mon cousin, est fait prisonnier. » Quelque temps après arrivèrent à Nancy les courriers qui apportèrent la nouvelle de ce désastreux événement, arrivé le jour même que la princesse l'avait vu. Ni le prince de Lambesc, ni le roi François Ier n'avaient certainement aucune connaissance de cette révélation. Nous suspendons la relation des exemples pour intercaler une controverse sur la question que nous traitons, savoir si les morts reviennent. Cette petite controverse sera suivie de deux autres, l'une sur les génies, l'autre sur les fantômes. Peut-être quelques-unes de nos pensées seront rejetées, mais cela ne nuira pas à l'intelligence de l'ouvrage. Fin du chapitre 1, sous-chapitre 18 à 20. Enregistré par Mozilla.